A l'époque, ça me dérangeait pas d'écouter Skyrock et la Nocturne. Aujourd'hui, j'allume mon poste et une torture. C'est la crise dans le rap, c'est franc. Plus beaucoup de textes qui sont francs et peu en sont conscients. Beaucoup s'inventent un personnage et jouent les frères sauvages. Sur les ondes, peu de son qui met la pression. Dans leur rap, trop de prétention, entre MC, trop de tension. Attention, moi le rap, c'est ma passion, une vraie perversion. Dans mes textes, pas d'ambition, tu connais mes convictions. Qui sont restés vrais, raconter des faits et pas des rêves. Trop d'MC ont dépassé les frontières du réel. À l'époque, je pensais pas à ma classe, mais rien qu'à foutre des baffes à l'époque. J'étais dernier de la classe, maintenant numéro 1, le mot pop. À l'époque, on t'a fait même sur les 7K à l'époque. Sur un 16, bah ouais, on était 7K. À l'époque, je pensais pas à ma corde, mais rien qu'à foutre des baffes à l'époque. J'étais dernier de la classe, maintenant numéro 1. Mon pote. À l'époque, on t'a fait même sur les 7K. À l'époque, sur un 16, bah ouais, on était 7K. À l'époque, avec les potes, ça lançait au proc en bas des blocs, blocs. Puis arrive à la clope, le shit et l'alcool. En bloc, alors on quitte l'école pour l'alcool. Avec les potes, on déconne, on fume les connes, on déconne. J'ai descendu le père la batte, il a cru se faire la malle. J'ai voulu donner le change, mais aujourd'hui rien n'a changé. Toujours aussi foncé, le foie tout foncé, l'écriture aussi foncée. Des fois, je me mets à penser, retourne les situations dans ma tête. J'aurais pris une direction et peut-être je ne serai pas où j'en suis au jour d'aujourd'hui. Je regrette rien, mais mes sales délires d'époque me poursuivent. Une sale manie que j'aime me faire des films comme Matrix. Dû à la tisse, à Matisse, à Matrice. Comme à l'époque, t'inquiète, je la maîtrise à ma guise. À l'époque, je pensais pas à ma classe, mais rien qu'à foutre des baffes à l'époque. J'étais dernier de la classe, maintenant numéro 1, mon pote. À l'époque, on t'a fait même sur les 7K à l'époque. Sur un 16, bah ouais, on était 7K. À l'époque, je pensais pas à ma corde, mais rien qu'à foutre des baffes à l'époque. J'étais dernier de la classe, maintenant numéro 1, mon pote. À l'époque, on t'a fait même sur les 7K à l'époque. Sur un 16, bah ouais, on était 7K. Nous, les anciens acteurs, nous ne sommes plus là. Mais des clips vidéo vous racontent notre histoire avec des flingues en plastique et du faux champagne. À l'époque, je rappais qu'avec les potes, juste en réseau à l'époque. Maintenant, je m'élance, menaçant au mic tel un Glock. À l'époque, je rappais même sur des 7K. À l'époque, sur un 16, bah ouais, on était 7K. Maintenant, on s'impose, mate l'évolution. Au mic, je te crache ta dose, mate l'élocution. J'en ai trop de phases et trop de flow. Flow de vrai, pas pour les faux. Plus en plus de sus, car plus en plus de putes. De plus en plus de flûtes qui parlent de plus en plus. Chut, aujourd'hui je passe la seconde, gronde aussi chaud qu'un micro-ondes. Bon, tu captes bien mes bombes. À l'époque, je pensais pas à ma classe, mais rien qu'à foutre des baffes à l'époque. J'étais dernier de la classe, maintenant numéro 1, mon pote. À l'époque, on t'a fait même sur les 7K à l'époque. Sur un 16, bah ouais, on était 7K. À l'époque, je pensais pas à ma corde, mais rien qu'à foutre des baffes à l'époque. J'étais dernier de la classe, maintenant numéro 1, mon pote. À l'époque, on t'a fait même sur les 7K à l'époque. Sur un 16, bah ouais, on était 7K. Ouais, à l'époque, c'est la Southstar 2011. Raidaz. Je suppose que quelqu'un qui pèse ne compte plus. Je suppose qu'il suffit de faire comme si on était quelqu'un qu'on n'est pas.